rips sont mes refs, c'est la vie, c'est la rue, c'est les risques pour la pote. Oh, nous les douilles, on les aime, on les met, on les nie, si tu sais, c'est la baga. Tellement d'ennemis, jalousie, sans limite, t'as connu, c'est la razzia. Merde, t'as mal à la poche parce que ton four il est éteint. Cher, et sur le rein, t'es la droga, c'est les petits qui gèrent. Tu tiens même plus debout, tu fais pas peur, t'es qu'un gogol. Et comme t'es pas du cœur, j'ai pour toi la plaquette très chère. Tu es tout seul dans ta jalousie. Le cœur est gris dans ta jalousie. T'as plus d'argent dans ta jalousie. Tu vis maintenant dans ta jalousie. On les a douillés, douillés. On les a douillés, douillés. On les a douillés, douillés. On les a douillés, douillés. On connaît pas mais on s'aime. Comme tes leçons c'est la même. On s'aimera, s'aimera tous ensemble. Cinéma c'est mon cœur qui pleure. J'entends trop qu'on veut ma peau pour mon biberon. Je merci, merci maman pour mon biberon. Depuis l'école élémentaire, nous on connaît le feu, donc ici pour rien, nous on tabasse. Les pieds dans la merde, on a plus rien à perdre. Quand on fait des affaires, il faut fermer sa bouche. Personne me fait peur, appelle-moi si tu as, si j'ai ta bouche. Personne me fait peur, appelle-moi si tu as, si j'ai ta bouche. Tu es tout seul dans ta jalousie. Le cœur est gris dans ta jalousie. T'as plus d'argent dans ta jalousie. Tu vis maintenant dans ta jalousie.